Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot, mon jumeau scénique de Metz, monsieur Bendy. Bonsoir à tous, bonjour, comment ça va? Ça va super et toi? Bah ça va. Donc tu avais une petite anecdote de scène, une petite galère à nous raconter. Ouais, petite galère. Alors, comme tu le sais, moi je fais partie de la troupe du Metz Comedy Club. Oui. Et tous les ans, donc on joue à la Fabrique habituellement, mais tous les ans on fait un gros gala. Et là, c'était pour le premier gala. Donc, je passe en quatrième position pendant la soirée. Et à l'époque, je jouais avec un micro-casque. Et pour cette grosse occasion, on avait un micro-casque vraiment dernière génération, tout fin, avec couleur chair qui se voit à peine, ouais, etc. Donc, vraiment, c'était vraiment du lourd. Hein. On nous a bien expliqué qu'il ne fallait vraiment pas le casser, quoi. D'accord. Et je passe en quatrième position. Pendant que mon collègue qui passait en troisième était en train de jouer, alors que moi j'étais prêt, hein, depuis une demi-heure, j'avais le casque qui était autour de mes oreilles, j'étais prêt. C'est un DPA, c'est ça? C'est peut-être, ouais, ça doit être ça, ouais. Je crois que c'est DPA, ouais, c'est les micros, genre, tu sais, qu'on voit, genre, qu'ils utilisent, tu sais, les mecs, genre, quand ils font leur DVD, tout ouais, ça. Voilà, quoi. Voilà. Mm-hmm. C'était le gros micro, quoi. Ouais. Et donc, pendant que le collègue qui passe en troisième est en train de jouer, moi, j'ai la bonne idée de me dire, bah tiens, je vais re-régler un petit peu le micro pour être sûr. Ouais, et il est tombé. Et non, en fait, je dévisse, il y avait une toute petite vis. Ouais. Tu dois dévisser la petite oh vis. Oh là là là là là. T'aurais jamais dû. Et en fait, je l'ai trop dévissée et elle est tombée. Donc on était dans le noir, en coulisses, à 3-4, et on était en train de chercher une vis qui faisait peut-être 2-3 mm de large. Et là, par chance, 30 secondes avant que je monte sur scène, j'ai un collègue qui la retrouve, Sébastien Baronnet. Oui. Il la retrouve, il me la donne et au début j'avais du mal à la remettre. Je tremblais. Et quand il m'a annoncé, je sais pas, il y a eu un déclic. Un coup d'adrénaline. Ouais, un coup d'adrénaline. J'ai réussi à la remettre, à bien régler le micro et je suis monté sur scène et ça s'est super bien passé. Je crois que c'est ce qu'on appelle la magie du spectacle. Ouais, exactement. Waouh. Et ça c'est donc ouais, le sketch bien ouais, nickel. Tout s'est bien passé. Le micro a pas bougé ouais, pendant. C'était bien. Ouais. Ah. J'ai eu de la chance. Et ben dis donc, ben merci beaucoup. Ben merci à toi. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, sur ma page Facebook, Bendy le Bandit, et il y a toutes les infos, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait. D'accord, mais c'est déjà ça, on ouais. prend le pas grand-chose. En tout cas, merci beaucoup, et puis pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.